Je suis l'équilibriste, je tiens sur un fil. Chaque jour que je fais, j'apprends à gérer mon vertige. J'affronte la brise, les tempêtes et les crises, comme ce clown triste en me maquillant un sourire. Contre vents et marées, je cherche la stabilité sur ce grand balancier qu'on appelle la vie. Dans ce magnifique cirque, je joue le trapéziste, je joue avec le risque de tomber dans l'oubli. Peur du vide, sur un fil, je suis debout et je résiste face à la pesanteur de la vie. Oui, je suis l'équilibriste. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Je jongle au quotidien avec la stabilité des miens, leurs désirs et leurs besoins, avec leur bonheur et leur chagrin. Je jongle avec mes rêves, avec mes déceptions et mes peines, avec la peur d'être à découvert, avec l'envie de tout foutre en l'air. Je jongle avec mes choix, avec l'amour et ses émois, avec toutes ces relations humaines aux multiples caractères. Je jongle avec le temps, avec mes doutes et mes sentiments, avec mes fantômes du passé, avec mes joies et mes colères. Mais les épreuves de la vie me tirent vers le bas. T'en prie, rattrape-moi, aïe, aïe, aïe. Comment veux-tu que je navigue avec toutes ces vagues, surtout si tu n'es pas là? Et j'ai peur du vide, sur un fil, je suis debout et je résiste face à la pesanteur de la vie. Oui, je suis l'équilibriste. Sur un fil accroché à mes rêves, je me demande si j'y arriverai sans tomber. Oui, je fais mes acrobaties en fermant les yeux.